Donc, c'est Chambrul, Raymond Poirier s'est ajouté à l'équipe de charge de disque pour nous faire sa revue de presse cette semaine des technologies de l'information, puisqu'il est chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société de l'Université de Laval. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors, cette semaine, tu nous proposes trois sujets qui ont marqué l'actualité dans les TI dans la dernière semaine. Exactement, il y a eu des petits rapports, des petites annonces qui ont leur importance et qui sont aussi ensuite logiques avec des éléments, des thématiques qu'on a développées ici et qui, parallèlement, parce que nous, on travaille dans le domaine de la recherche, du transfert, de la valorisation des connaissances, donc qui ont aussi un intérêt pour nous du côté de la recherche, du côté du milieu universitaire. Et notamment, en fait, la semaine dernière, le gouvernement du Québec a fait une annonce bien intéressante, en fait, disons, un lancement d'un projet qui avait déjà été préannoncé dans la stratégie québécoise de la recherche et d'innovation 2010-2013. C'est en fait une initiative liée au développement de solutions écologiques dans le domaine des technologies de l'information et des communications. Et on sait, Tania, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement important. Il y a des mesures qui peuvent être faites. Il y a des recherches qui doivent être faites parce que, d'un côté, les technologies de l'information peuvent causer un bilan de carbone un peu plus négatif s'ils sont mal encadrés, mais parallèlement peuvent aussi permettre d'améliorer le bilan de carbone global s'ils sont bien utilisés et peuvent devenir un élément de solution plutôt qu'une partie du problème. Et c'est l'objectif, évidemment. Évidemment. Et permettre également aux entreprises québécoises de prendre un peu leur air d'aller dans le développement de solutions à saveur écologique. Donc, l'idée, c'est de débloquer un budget, donc un partenariat public-privé, 30 millions de dollars qui seraient investis de la part du ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, le MDIE, et un autre montant, donc la balance de 70 millions-là, qui serait investi par une série d'entreprises, de partenaires, enfin, il y en a 6 principaux. Il y aura d'autres partenaires également qui développeraient aussi à l'interne des solutions et de la recherche et des applications en accord avec les objectifs de ce projet-là. Et donc, l'idée, c'est de développer des projets qui viseraient la conception de composantes de matériel, de logiciels, qui viendraient réduire la consommation en énergie des produits liés aux technologies de l'information et des communications, et qui, parallèlement, améliorerait aussi l'efficacité de la dématérialisation des infrastructures de télécommunication. Mais on en a trouvé des solutions. Ils peuvent aller s'installer dans le nord du Québec. Entre autres. Entre autres pour les data centers. Et il y a d'autres éléments aussi. On en a parlé un peu quand on réfléchissait aux thématiques à la ville intelligente, par exemple. Donc, toutes des mesures de dématérialisation, de maximiser l'efficacité des infrastructures qui sont existantes. Donc, il y a plusieurs projets qui sont en cours ici et ailleurs, et on a l'impression, en fait, que cette mesure-là vient renforcer un peu l'importance de cette filière-là, autant pour la recherche que pour l'entreprise, que pour le gouvernement, et donc viendra aussi arriver avec peut-être des demandes de résultats concrets là, au cours des prochaines années et d'applications concrètes qui pourraient être développées ici et qui aussi, parallèlement, pourraient être commercialisées ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre cette situation-là, c'est un problème qui est international, et donc la question, c'est de voir comment les solutions d'ailleurs peuvent être appliquées ici, et comment les solutions qu'on développera ici pourront être commercialisées ailleurs. Et ça peut devenir intéressant pour les partenaires privés, justement. Raymond, il y a aussi le Calque qui propose un rapport sur la culture et la sphère numérique au Québec. Et ça, Tania, c'est la fin, la conclusion d'un long processus de réflexion auquel, d'ailleurs, ont participé quelques chercheurs affiliés à l'Institut de technologie de l'information et société. C'est un grand chantier de réflexion. Peut-être que les auditeurs en ont entendu parler. Ça s'appelait ALON, donc pour art, lettres et options numériques. Et donc, la conclusion est arrivée la semaine dernière. Un rapport d'une quarantaine de pages qui a été remis, donc, à la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Christine Saint-Pierre, et dans lequel le CALQ, donc le Conseil des arts et des lettres du Québec, reconnaît qu'il y a des transformations importantes qui sont déjà perceptibles dans la sphère culturelle, des transformations qui ont été poussées par les technologies qui ont amené nécessairement un changement fondamental dans notre rapport au temps et à l'espace, et également qui ont amené des nouveaux modes de distribution qui réduisent le rôle des intermédiaires traditionnels. Donc essentiellement, on reconnaît l'impact des nouvelles technologies dans la promotion, dans la distribution, dans les options de visibilité, par exemple, dans tout ce qui entoure la culture sous toutes ses facettes, musique, théâtre, danse, art visuel, etc. Et parallèlement, donc, ils ont remarqué d'ailleurs à ce titre-là qu'il y a 80% des artistes dans tous les champs de la culture qui utilisent un site web présentement pour diffuser, promouvoir, mettre en marché des créations, que les deux tiers ont également investi les réseaux sociaux pour cette diffusion, et donc qu'il y a un intérêt important pour les artistes et pour le milieu culturel d'utiliser cette machine-là qui est déjà utilisée par une bonne partie d'entre eux. Et donc, la question présuppose un peu ce rapport-là maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape. Donc, ils y sont, mais maintenant, comment maximiser ce médium-là? Oui, d'un côté, pour les questions de distribution, par exemple, tout ce qui est le livre numérique et l'art numérique en général, mais dans un autre côté, quelle place également donner à ces nouvelles technologies dans la production artistique à proprement parler. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir des développements d'art web, l'utilisation de ces nouvelles infrastructures-là et de ces nouveaux outils-là dans la production même d'œuvres? Et c'est là, à mon sens aussi, que vient entrer la recherche en culture, que ce soit au niveau de la muséologie, des lieux d'exposition, puisqu'on a des gens à l'université qui réfléchissent justement à comment on peut exploiter cette sphère-là dans l'exposition, dans la création aussi. Et il y aura sûrement d'autres réflexions qui seront amorcées suite à ce rapport-là et qu'ils sont déjà probablement aussi à l'heure où on se parle, parce que ça date pas d'hier, ces considérants-là. Le calque les met essentiellement sur papier. Et reconnaissent notamment aussi l'importance d'ailleurs pour le milieu culturel là, d'aller chercher des partenaires non traditionnels, que ce soit les universités, les centres de recherche, milieu des affaires, entreprises de haute technologie. Donc un peu dans l'esprit de ce qui est fait aussi à la Chambre blanche, qui est une belle initiative où on va chercher des partenaires justement du milieu des affaires pour essayer de développer des projets, de créer des liens. Et il y aura demain aussi une grande journée de réflexion qui sera effectuée à Québec autour de la thématique de technoculture, où il y aura des gens de l'Université Laval, il y aura des gens du milieu des affaires, du milieu culturel, on sera à peu près 300 à se réunir pour réfléchir à ces implications-là. On aura l'occasion sûrement de revenir là-dessus, d'ailleurs, la semaine prochaine, puisque Lydie s'y sera. Et donc, on voit que le CAC vient d'embarquer un peu, à mon sens, dans cette réflexion nécessaire sur la place des technologies au sein de la promotion, de la diffusion culturelle, mais aussi de la création culturelle. J'ai suivi quelques réactions aussi en parallèle, et les gens disaient, oui, mais pour l'instant, c'est un rapport de constat avec plein d'objectifs. Est-ce qu'il y aura un financement qui sera attaché à ça? Est-ce qu'il y aura des objectifs peut-être un peu plus concrets que ce qui a été présenté? Bon, on n'en est probablement pas là. On lance la conclusion de cette démarche-là. Maintenant, il y aura sûrement d'autres étapes qui seront faites par le gouvernement. Et parallèlement, il faudra aussi que chacun fasse sa part pour faire avancer cette dimension-là culturelle au Québec. Mais au moins, le rapport, c'est une bonne étape de franchie déjà après plusieurs heures, certainement, de réflexion. Et Raymond, en terminant, tu nous parles d'une étude sur l'autre informatique. Oui, qu'est-ce que l'autre informatique? Oui, ça je me le demande, parce que autre a un A majuscule d'ailleurs. Oui, en fait, ici on ne parle pas d'une nouvelle technologie. Donc on met les cartes sur table tout de suite. Quand on parle de autre informatique, c'est en fait l'ensemble des microsystèmes programmables que les entreprises installent dans leurs produits. Et contrairement aux ordinateurs, l'idée c'est pas de montrer la technologie, c'est au contraire de la cacher. C'est une technologie qui est basée sur des microprocesseurs à très très faible consommation d'énergie qui s'installent, je te donne un exemple, dans les voitures pour déclencher des coussins gonflables, pour déclencher des freins, des choses comme ça. Donc ça, c'est okay. Ce qu'on appelle l'autre informatique, ou sinon l'informatique embarquée. Un système embarqué parce qu'il est enfoui au sein du produit final, parce qu'on ne peut pas vendre justement le système de déclenchement des coussins gonflables. Ça vient avec les coussins gonflables. Ce n'est pas exclu du produit auquel il est intégré et il n'est pas en mesure d'être exclu non plus de ce produit-là. Et il y a de plus en plus d'objets comme ça qui ont de ce type d'appareil, que ce soit des téléphonies dans la téléphonie cellulaire, l'électroménager, des consoles de jeux, etc., etc. Donc, il y a cette industrie-là qui existe. Et parallèlement, on remarque que cette industrie-là devra aussi mettre ses modes de fonctionnement et ses modes de recherche au goût du jour, si on peut dire, pour que ça soit toujours au même niveau que l'informatique traditionnelle. Parce que non, notre aspirateur ne peut pas être arriéré. Non, exactement. Mais il y a sûrement un aspirateur avec un ordinateur intégré, quelque part, c'est sûr. Et c'est une industrie qui est toute jeune, ça, Tania, au Québec. Ça vient de commencer, en fait, il y a quelques années. Il y a à peu près 19 000 personnes qui travaillent dans le domaine des systèmes embarqués. À peu près 7 000 dans les entreprises de conception et de développement, puis 12 500 dans le secteur des utilisateurs. Et donc, l'association québécoise, l'Alliance canadienne, en fait, des technologies avancées, a été faire un sondage, une étude, pour essayer de cibler les besoin dans cette sphère d'application-là pour essayer de voir de quelle manière on pourrait mieux accompagner ces industries-là, d'un côté, et de B, parce que c'est un secteur d'avenir, comment également favoriser le développement de ce nouveau créneau-là, ici, dans la province, au Québec. Ce qu'on a remarqué d'un côté, c'est qu'il y a peut-être un manque de soutien environnemental, difficulté d'aller chercher des ressources humaines qualifiées, difficulté d'aller chercher du financement gouvernemental, difficulté d'obtenir du capital de risque, etc. Donc, il y a certains éléments comme ça qui sont soulignés. Et parallèlement, on y va aussi d'une série de recommandations que j'ai trouvées bien intéressantes. Notamment, on propose de réaliser justement un plan d'action à proprement parler, un plan d'action québécois, une route nationale sur ce dossier-là. Donc, comment au Québec, comment au Canada développer cette industrie-là et faire vraiment un échéancier viable, comme ça a été fait d'ailleurs ailleurs dans le monde. On propose également la création d'un club de donneurs d'ordre, de l'embarquer, donc essayer d'unir les entreprises qui œuvrent dans ce secteur-là. Ce n'est pas encore chose faite. On nous dit également, et ça, c'est un message que nous, on reçoit du côté universitaire. Donc, il y a un manque de diplômés en général en technologie de l'information. On aura sûrement l'occasion d'en reparler en cours de route. Et dans les systèmes embarqués, en fait, c'est une pénurie généralisée dans le secteur des technologies de l'information, mais c'est nouveau. Dans les systèmes embarqués, c'est encore plus grave. Donc, il y a un manque encore plus grand. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faudra développer des liaisons plus étroites entre l'université et le secteur. Et parallèlement, d'avoir également, un peu comme dans d'autres domaines, là, une aide à l'innovation et également une politique d'achat gouvernementale là, pour permettre à l'industrie aussi d'obtenir des bases de contrôle. Le reste, alors, c'est bien intéressant comme réflexion, surtout pour ceux qui découvrent aujourd'hui que ça existe, d'autres informatiques, les systèmes embarqués, là, que c'est un secteur qui se développe et qui existe déjà. Donc maintenant, on est éclairé sur l'autre informatique pour les jeunes qui cherchent un avenir et un choix de carrière différent. Je pense que c'est une bonne option. Ben, les TI en général, je te dirais, Tania, c'est très gagnant. On en a énormément besoin. Il y a une pénurie généralisée, que ce soit ici au Québec, que ce soit partout dans le monde, c'est un problème. Alors, les carrières en TI, là, c'est gagnant. Entre toi, moi et l'ensemble de tes auditeurs, là, on peut se dire le petit secret, là, c'est gagnant. Bon, ben, c'est un bon choix de carrière. Et d'ailleurs, si on veut plus d'informations sur les technologies de l'information, l'ITIS est là avec le site itis.ulaval.ca. Raymond, d'ailleurs, toutes les chroniques qu'on fait ensemble, que tu fais dans le change de disque, s'y retrouvent. Oui, exactement. Enfin, on doit simplement aller chercher la section Actualité TI et on peut également retracer assez facilement les articles dont on fait mention là, au cours des chroniques dans la section Revue de presse ou sinon sur la page d'accueil. Et Raymond, tu es en charge de tout ça, puisque tu es chargé de communication pour l'ITIS. Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine. Sans faute.